j'attendrai. J'attendrai les jours. J'attendrai le jour de la nuit. Ça va aller mieux là. Ça va aller mieux. 1, 2, 3.